Radio Vent Nouvelle présente Héros de la foi, de l'Afrique à l'Océanie, des Amériques à l'Asie, en passant par l'Europe et les îles. Parcourez pendant une demi-heure l'histoire de ces hommes et femmes qui ont fait et font encore les temps forts de l'Église. Découvrez le secret de leur prouesse et aussi les raisons de leurs échecs. Tous les jeudis à partir de 21h, vous êtes les bienvenus chez les Héros de la foi, l'univers dans lequel la consécration crée l'espoir. Vous écoutez Radio Bonne Nouvelle, bonsoir et bienvenue, vous êtes en direct, la 99.6 FM située au Feu Rouge Bessingue en ce jour spécial où une certaine frange de la communauté chrétienne célèbre la montée de Jésus-Christ au ciel. Héros de la foi se penche sur la vie de ces hommes et femmes qui ont marqué l'histoire. Qu'est-ce qu'ils en pensaient? Le magazine consacré à la marche de l'Église interroge ce soir la tendance, la pointance à se focaliser sur les célébrations religieuses. Martin Luther, par exemple, estimait que l'ascension ne posait pas un problème dans la mesure où elle traduisait la libération du corps physique, la montée du Seigneur, son absence physique remplacée par la présence spirituelle. Watchman Nee, en revanche, le prédicateur chinois, auteur de multiples cellules de prière du côté de la Chine et acteur majeur du réveil, estimait que c'était une fête dont il fallait tout simplement se départir parce qu'elle avait des origines et des inspirations non bibliques. Alors, tout cela, ces différentes positions traduisent à suffisance la difficulté, l'embarras de certains chrétiens quant à se positionner à ce qui concerne la célébration de l'Ascension. Nous sommes justement ce jeudi 10 mai, jour d'Ascension. Faut-il que l'Église se joigne à cette célébration? Qu'est-ce que cela représente? Qu'est-ce que cela représenterait? Et l'accoutumance aux différentes célébrations traduisent-elles une marche dans le bon sens de l'Église ou une régression sur le plan spirituel? Voilà la thématique de ce jour, émission quelque peu décalée du format habituel des héros de la foi. Héros de la foi interroge la marche de l'Église avec quelques invités ce soir. 25 minutes pour en parler. S'il vous prend l'envie de contribuer, faites-le par SMS 690 93 93 34. Dans 25 minutes, nous serons partis. Pour en parler, nous avons deux invités dont nous apprécions la disponibilité, dont nous saluons la présence dans ce studio. L'apôtre Robert Kamte, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Patrick, bonsoir à tous nos auditeurs, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent ce soir. Eh bien, nous pensons que le Seigneur va nous conduire encore pour ces 25 minutes. Très bien, merci d'avoir fait le déplacement malgré un agenda extrêmement chargé. L'évangéliste Élie Bertrand Tchabdaroukel, nous disons également bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir Patrick, bonsoir à tous les auditeurs des Héros de la foi ce soir, bonsoir à mon copanéliste ce soir, bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent. Très bien, alors j'ai fait la liste des différents serviteurs de Dieu qui ont marqué l'histoire de l'Église et leur positionnement par rapport aux différentes fêtes religieuses et en particulier la fête de l'Ascension. Mmh. Les avis sont particulièrement divergents de Martin Luther qui a organisé le schisme, enfin par lequel le schisme est venu de l'Église catholique et qui a entraîné la naissance du protestantisme qui lui ne voyait pas de problème en évoluant vers Watchman Nee, même jusqu'à nos jours Paul Yonguichot et les autres Renard Banqué et bien d'autres. Les avis sont radicalement divergents. Alors je vais poser la question, pourquoi la fête de l'Ascension pose problème? La parole est à qui veut la prendre. Ben moi je vais dire je prends la parole au premier, Chada. Allez-y. Je vais simplement dire que moi, ça ne me pose pas de problème. Je vous ai dit en antenne que, en ce qui me concerne, en réalité, pour moi, chaque jour est un jour de fête. Pour un véritable chrétien, il doit fêter tous les jours. Je ne pense pas qu'on doit garder ou chercher à garder un jour particulier où nous irons faire des choses particulières. Parce que c'est un jour de l'Ascension, il y a même l'Ascension, il y a même l'Assomption. Mmh. Il y a tellement de fêtes que si on devait pouvoir s'y affairer, on n'aura que l'embarras du choix. Maintenant, si je rentre dans l'Ancien Testament, Il y a cette fête juive, la fête de pain sans levain, la fête des tabernacles, la fête de l'expiation et autres, la fête des prémices. Il y a tellement de fêtes. Mm. Bon, maintenant, nous avons traversé l'Ancien Testament pour être dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament également, j'ai vu de lire un tout petit peu l'apôtre Paul qui... on voulait qu'il reste un peu plus longtemps. Tout à l'heure, je vais vous dire le chapitre. Alors, il a dit non, il faut que je fasse la Pentecôte à Jérusalem. Bon, donc, est-ce que cela avait une particularité? Maintenant, quand je suis allé lire dans Colossiens, chapitre 2, verset 16, le même Paul, il nous a demandé de faire attention qu'on ne joue pas à partir d'une fête. Non, en ce qui me concerne, en réalité, si quelqu'un veut faire, si un pasteur veut faire un culte particulier le jour de l'ascension du Seigneur Jésus, s'il veut, si c'est un jour férié comme aujourd'hui et qu'il veut faire une réunion spéciale à son église, je n'ai pas de problème. Mais moi, j'en fais pas, j'ai pas fait. Mais si un frère veut prier ce jour-là à son église, ok, frère, c'est un jour un jour libre, alors retournons à l'église et prions. Je n'ai pas de problème. Mm. Bon, maintenant, ceux qui vont en faire un jour pour idolâtrer, un jour, machin. Non, je crois qu'il faut faire très attention et puis laisser les choses à aller. Moi, je ne veux pas dire que si tu fais une réunion le jour de l'ascension, tu as péché. Si tu n'en fais pas, tu as péché. Je suis pas de ce côté-là, je suis assez équilibré. Non, mais il voulait prendre la parole pour dire que je crois si ce n'est pas Père Camto, c'est le fils Camto qui avait dit la même chose ici, le même principe ici pour la fête de Noël, sur ses antennes, c'est toujours. Oui. En disant que chaque jour, c'est la naissance, on fait la naissance de Jésus. Mm. Si chaque jour, on fait la naissance de Jésus et que chaque jour encore, on fait l'ascension de Jésus, c'est un problème. Le jour où il est né, c'est pas le jour où il est monté. Oui, c'est pour ça que je sens de prendre la parole. C'était juste pour mettre un peu de l'ambiance dans la salle. Mais je voulais dire quelque chose, c'est dans le livre des Proverbes, chapitre 19, verset 16, la Bible déclare dans la partie A que celui qui garde ce qui est commandé, garde son âme. Ça veut dire que le commandement, l'obéissance au commandement nous préserve de l'âme, dans notre âme. En réalité, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on lit l'histoire de la Bible, avant de toucher le cadre, le commentaire sur Matthieu et puis Wachinamani, dont vous avez fait état dans votre introduction, lorsqu'on lit l'histoire de la Bible, on voit effectivement qu'il y a une certaine chose que Lucifer a toujours voulu faire à l'œuvre de Dieu. Chaque fois quand Satan a coopté les sacrificateurs, ceux qui sont censés conduire le peuple de Dieu, comme dans le cas des pharisiens et des sadducéens, on voit toujours qu'ils placent les traditions au détriment du commandement de Dieu. Mm. Et c'est ce qui crée le problème. Ils ne déplacent pas des choses très loin, ils déplacent toujours les hérésies, mais les hérésies elles-mêmes sortent de la Bible. Il suffit de prendre certaines doctrines, le groupe de la gnose, les développements qu'on en fait, la franc-maçonnerie tire des choses. Par exemple, vous allez voir dans la franc-maçonnerie, ce qu'on appelle les religions à mystère, ils vont prendre certains extraits. Jésus, dans Jean chapitre 8, écrivait au sol. Il pose la question, qu'est-ce qu'il écrivait au sol? Si la Bible avait voulu mentionner ce que Jésus écrivait au sol, on le dirait. Si le Seigneur avait voulu qu'on connaisse ce que le Seigneur Jésus avait fait, où il était entre 12 ans et 30 ans, on le mentionnerait. Mm-hmm. Mais vous voyez effectivement que dans la Bible, le Saint-Esprit a voulu, dans son propre gré, à son propre gré, mettre uniquement ce que le Seigneur Jésus a fait durant presque 3 ans de ministère. Mais là, les gens laissent les 3 années, ils veulent aller se concentrer sur ce qui n'est pas écrit. Mm-hmm. Et c'est ça le vrai problème. La Bible donc déclare dans par le problème que j'ai cité que celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Ça veut dire que si c'est quelque chose est commandé, c'est pour préserver notre âme. Et au cas contraire, si on va au-delà de ce qui est commandé, notre âme risque d'être en danger. Maintenant, nous voyons cette fête-là débuter à partir du 4e siècle. Alors, donc, ça veut dire que la naissance de l'Église catholique, et c'est justement cette institution-là qui va instituer plusieurs fêtes dites cardinales au milieu des institutions. Aujourd'hui, lorsque vous entendez presque dans tous les médias, on va dire que les chrétiens du monde entier célèbrent la fête de l'ascension de Jésus. Mmh. Il faut qu'on dise aux gens qu'il y a des gens qui vont au centre opposé à revoir avec cela. Mmh. Parce qu'on doit garder ce qui est commandé. Il n'est nulle part d'en faire mention du fait qu'on doit célébrer cela. Mmh. Par exemple, nous voyons dans la Bible, dans Marc chapitre 7, Jésus reproche justement au groupe de pharisiens qu'ils mettent leur tradition en marche par rapport au commandement de Dieu. Et ils insistent que les hommes puissent obéir à cela. Maintenant, quand le pasteur dit qu'il ne voit pas de mal à cela, c'est la même chose qu'on a dit pour la fête de Noël. Mmh. Nous voyons là une espèce de compromission. Mmh. Parce qu'en réalité, Dieu ne nous a pas demandé de le faire. Plutôt, nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 5, si nous lisons le verset 7, nous voyons effectivement que l'apôtre Paul dit que Christ, notre Pâque, a été immolé, puis il dit, célébrons donc la fête non avec des pains, avec quoi, non, avec le vin de la malice. Et dans 1 Corinthiens chapitre 11, où il parle de cette célébration, il dit, en citant la parole du Seigneur Jésus, qu'il j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai appris, que le jour, la nuit, vous livrez, pris du pain. Et puis il dit, le Seigneur, il cite encore ce que le Seigneur a dit aux 11 apôtres en disant, Jésus a insisté. Si le Seigneur a insisté à l'apôtre Paul, longtemps après avoir révélé, célébré ça physiquement avec ses apôtres, et qu'il a expliqué dans la révélation, l'événement qui s'est passé dans la soirée, ça veut dire qu'il tient véritablement à cela. Et l'apôtre Paul s'est dans 1 Corinthiens chapitre 11 en disant, faites ceci en mémoire de moi. Et quand nous disons dans le commandement où le Seigneur Jésus a fêté cela dans Luc chapitre 22, Jean chapitre 13, nous voyons effectivement que le Jésus a dit, vous savez ces choses, vous êtes heureux, pouvez que vous les pratiquiez. Donc il dit, vous avez vu cela, pratiquez. Donc alors la sainte fête donc de l'église, ce qui concerne l'église, c'est la sainte fête, c'est la fête de la Pâque, c'est-à-dire que la mort de Jésus. Parce que dans 1 Corinthiens 11, il a dit, chaque fois qu'on fera cela, on annoncera la mort. Donc il n'est pas question d'annoncer la résurrection du Seigneur Jésus. Le jour où il est ressuscité, il a dit à Marie là-bas, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté dans Jean chapitre 19, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Et quand il est monté pour expier, parce qu'il fallait qu'il sanctifie le chemin, les choses du céleste, il est revenu maintenant, on pouvait le toucher, il pouvait manger, ainsi de suite. Donc en réalité, ça veut dire que le chrétien. Donc la seule fête qui a droit de citer à l'église, c'est la Bible. C'est la Pâque. Exactement. Les autres... que toute autre fête qu'on institue au milieu de l'église, c'est une tradition d'homme. Mais le point important, c'est ici. C'est que souvenons-nous qu'on ne décale pas des choses loin des choses de Dieu. C'est pour ça que les doctrines peuvent être traditions. Il y a un habillage spirituel. Par exemple, lorsque nous parlions ici, l'une des années, nous avons parlé sur le 25 décembre. Vous allez voir, ils ne diront jamais que le 25 décembre, c'est la naissance de Satan. Ils ne diront pas, ils vont parler de Christ. Mais en toile de fond, se trouve dans les célébrations païennes. Parce que vous allez remarquer, je crois que l'une des émissions, si nous faisons les émissions, il faut qu'on voit les origines de toutes ces choses-là. Parce qu'en réalité, on fait avec la connotation chrétienne. C'est tout simplement parce que si on célèbre ceci à milieu de l'église, je dirais tout simplement que lorsqu'on est riche, on cherche toujours la distraction. Rome est tellement riche qu'elle cherche à quoi, comment se distraire. Il trouve des stratagèmes pour pouvoir impliquer les gens dans l'idolâtrie. Les chrétiens ne doivent pas célébrer cela parce que, enfin, toute fête que l'église catholique, il n'y a aucune fête que l'église catholique célèbre ou bien a ordonné de célébrer qui est scripturaire. Parce qu'en toile de fond, nous avons vu une fois ici, en lisant les deux Babylones dans les années Hislop et puis particulièrement l'histoire de l'église catholique des villes de Durand, nous avons vu effectivement comment il démontre dans ces documents que la festivité païenne qu'on avait célébrée. J'ai dit célébrer dans toutes les dimensions. L'Église catholique n'a pas rompu avec cela dans la population. Ça de la conversion, comme on a vu l'apôtre Paul à Thessalonique, il a fait que les gens abandonnent les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. On a plutôt christianisé des sources d'eau, des amulettes, ainsi de suite, et donné le nom païen, le nom chrétien. Par conséquent, aujourd'hui, beaucoup de personnes, Sainte Fête Victoire, Saint Joseph, ils croient avec la connotation de Joseph, ils pensent que c'est ces personnages de la Bible qui sont les célébrés. Pourtant, en temps de fond, se trouvent tous ces esprits. Or, la Bible déclare qu'il faut qu'on soit en communion avec les démons. Voilà. Alors, je voulais ajouter sur ce que mon frère dit pour dire qu'en réalité, si on va plus loin et on se rend compte, même l'Eucharistie qui est fait comme étant la communion, c'est fait en forme du soleil. Et quand ils prennent l'Eucharistie, ils lèvent au ciel, ils dédient ça au Dieu soleil. Puis on buse, on fait manger aux gens, alors qu'en fait, on est en train d'adorer des idoles. C'est terrible. Bon, le peuple a décidé que le jour d'adoration, ce sera le dimanche. Le jour de prière à l'église, ce sera le dimanche. Et l'historien dit que, comme les chrétiens adoraient Dieu le dimanche en commémoration de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, et que les mondains adoraient, je veux dire, les satanistes adoraient Dieu le lundi, le dimanche à cause du soleil, le son du soleil. Alors ça a arrangé Constantin pour que il puisse mettre ce jour-là comme le dimanche, comme étant le jour d'adoration de Dieu soleil pour contenter les chrétiens et les païens en même temps. Maintenant, je veux dire que moi, je pense même pas qu'il y ait une fête prescrite dans la Bible. Là, vous êtes savant que nous devions, si on va dans l'Ancien Testament, bien entendu, il y a les 7 fêtes juives qui sont prescrites par l'Éternel. Vous réjouirez ce jour-là, vos filles, vos femmes, vous réjouirez. Maintenant, dans le Nouveau Testament, je ne sais pas s'il y a une fête qui nous a été prescrite. Quand Paul dit, quand Christ dit, vous faites en mémoire de moi, ce n'est pas une fête, en fait. C'est la communion. Commémoration. C'est la communion quand on donne la Sainte Cène. Faites ça en mémoire de moi. Il dit, bon, vous faites ça en mémoire de moi. Donc, c'est pas une fête, mais c'est. Moi, je pense que nous devons fêter chaque jour. Le chrétien doit être content chaque jour. Donc, alors, moi, quand je donne la communion à l'église, quand on donne la Sainte Cène à l'église, c'est cette Pâque-là que nous donnons à l'église. Moi, je le fais une fois par mois. c'est la Pâque, la mort du Seigneur Jésus. Je veux dire, quand il est mort pour nous, quand il a fait son sang pour nous, il a dit, bon voilà, je vous donne ce pain, je vous donne cette coupe-là, la coupe de la nouvelle alliance qu'il a fait à mon sang. Donc, en ce qui me concerne, je ne suis pas trop fait. Très bien. Je ne suis pas trop fait. Mmh. Donc, je vais lire quand même quelques extraits ici dans la Bible pour éteindre notre lanterne. J'ai regardé tout à l'heure là dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 18, le verset 21 qui dit « Mais il n'y consentit point et il prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Donc c'est Paul qui dit que moi je vais la fête prochaine, là, je vais la fêter. Est-ce que Paul le disait? Il dit, moi, on voulait que le pasteur reste pour enseigner à nouveau, pour continuer de pasteuriser, de mettre de l'ordre. Il dit, non, moi, cette fête-là, prochaine, là, moi, je vais la passer à Jérusalem. Maintenant, je vais plus loin. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, il est dit, célébrons donc, comme c'était... chapitre 5, verset 7. Voilà, verset 8, il dit, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain. En fait, c'est pas la fête charnel, ça c'est sur le plan spirituel, la vie de l'église, la vie de l'église, voilà, non avec le vieux levain, non avec le levain malice et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté. Tu vois? Donc le pain sans levain, c'est la pureté, c'est la sainteté, ça dit qu'à mener une vie propre, sainte, etc. C'est pas la fête physique des enfants aujourd'hui, enfin, les mêmes gens qui vont fêter le lendemain, vous les voyez pas le lendemain après la fête à l'église, ils sont dans tous les bistrots et puis ils cassent des champagnes et tout ça, alors qu'ils étaient en train d'adorer. Pour terminer, dans Colossiens chapitre 2, verset 16, il est dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou le sabbat. Donc, en ce qui me concerne, Frère Chabda, je ne fais pas de fête. Même la Pâque dont on parle, ma Pâque, c'est chaque fois que je donne la communion à l'église, c'est la Pâque. Maintenant, si la Pâque tombe un vendredi, c'est un jour férié, samedi est férié, dimanche est férié, moi j'organise une retraite spirituelle. Non pas parce que c'est une fête, mais parce que c'est un jour férié. Oui, là, en fonction de la disponibilité des gens. Des gens, très bien. Voilà. Alors, oui, peut-être avant que vous réalisiez, parce que nous voulons comprendre une chose au fond de cette émission, les héros de la foi, la marche de l'Église, l'évolution des choses. On est parti d'une génération où l'Église, entre guillemets, tout entière, validait ses fêtes. Et puis, il y a eu des serviteurs de Dieu qui les ont contestés, Watchman, John Wesley. Et puis, on a le sentiment qu'en cette génération, tout le monde est embarqué dans la célébration des fêtes. Est-ce qu'on est donc en train d'avancer ou en train de régresser? En réalité, sur le plan humain, on va voir effectivement, c'est comme si Dieu a quitté la scène. Mais le Saint-Esprit a l'œuvre à l'église depuis que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 16, j'ai bâti mon église. Il a dit, les portes du Seigneur ne prévendront point contre elle. C'est vrai, on dit que même s'il n'y a que deux personnes qui constituent ce corps-là, dans une localité, le Seigneur Jésus-Christ est au courant d'eux. Mais dans ce que vous en avez dit, effectivement, quand on lit dans la période, enfin, en lisant l'histoire de l'église, dans le livre d'Apocalypse, on voit effectivement comment le Seigneur Jésus-Christ reproche à cette église, particulièrement la dernière église qui nous intéresse. Mais nous allons voir effectivement que durant la période des ténèbres, et justement, ces différentes fêtes et différents dogmes de l'église catholique vont se situer dans le moment, dans la période où l'église catholique avec le monopole sur le contrôle et en même temps sur l'État et en même temps sur le peuple. De telle enseigne que, à l'issue du conseil des 325, du 72 ou 325 avec Constantin, nous voyons effectivement qu'à ce moment-là, la grande entité babylonienne a absorbé la chose chrétienne et commence à christianiser, comme je l'ai dit dans mes propos. Par conséquent, depuis ce moment-là, il n'y avait pas de voix de contestation. Vient maintenant le Seigneur Jésus-Christ qui a suscité Martin Luther dès le départ avec le juste vivant par la foi. Parce qu'en réalité, la parole qui sort dans mon juste vivant par la foi dans cette Romains chapitre 1, verset 17 là-bas de Martin Luther n'est pas portée pour réformer totalement l'église. C'était parce qu'à ce moment, de cette période-là particulièrement, il y avait la vente d'indulgence et le Saint-Esprit combattait cela. Donc la proportion des lumières que le Seigneur donne, c'est pas en fonction de la proportion des ténèbres. Mais maintenant, Dieu a promis dans la Sainte Écriture que le temps, au temps du soir, la lumière devrait apparaître. Quand la lumière vient, c'est pour mettre en nuit tout tout ce qui est caché. Parce que, en fait, pour que l'église puisse entrer dans la rédemption totale, ce que nous attendons, l'enlèvement, il va falloir qu'on soit sans tache ni ride. Et par conséquent, à la fin, donc, le Seigneur Jésus suscite donc des gens avec des éclairages. Parce qu'il a dit que la connaissance augmentera. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait mettre des points sur les i, là où on avait déplacé, pour que tout soit parfait tel qu'il a laissé. Donc, la seule chose, c'est que l'église évolue dans le sens de l'évolution de Dieu, mais va au sens courant parce que nous voyons la déprobation telle que prophétisée par le Seigneur. Donc, la déprobation est prophétisée par le Seigneur. L'église va dans son sens comme le Seigneur a dit. Mais voici le vrai problème, c'est que l'entité appelée l'église catholique qui a féodé et constitué la grande majorité pratique ces choses au vieux fil sur tous, puisque ça sera télévisé partout et annoncé partout. Et l'une des choses encore, c'est ces choses-là impliquent automatiquement les fériés. Ça veut dire qu'elle a toujours le pouvoir sur les États. L'État enseigne que son jour qu'il a imposé impose férié. Parce que chaque jeudi 10 mai que ça se passe après 40 jours, après leur fête des Pâques. Maintenant, ce qui s'en est dit, c'est que vous remarquez effectivement que cette entité-là a toujours le pouvoir. Le fait que l'église, ceux qui sont en marge et vont à contre-courant de toute cette festivité-là, ne sont pas en vue, ou bien ne sont pas quoi, n'ont pas le pouvoir, non seulement financier et médiatique, pour pouvoir diffuser la vérité. Ils sont très peu audibles. Exactement. Et là, par conséquent, le mensonge est pris pour la vérité. Mais le Saint-Esprit à l'œuvre. Le Saint-Esprit à l'œuvre, le Saint-Esprit ira jusqu'à enlever son épouse, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, sur la scène. Très bien. Alors, pour terminer, nous parlons ici. Puisque nous parlons de l'émission Héros de la foi qui fait un peu l'ausculte la vie et la marche de l'Église, et les temps forts, les hommes qui ont marqué et les événements qui font les temps forts de l'Église. Dans les années 90, par exemple, vous avez une longue expérience dans la marche de l'Église, ces fêtes ne préoccupaient, étaient pratiquement exclues, interdites dans le milieu qui se revendique du réveil. Dans les années 2000, on a vu qu'une espèce de solidarité vis-à-vis de ça. Aujourd'hui, l'effet d'entraînement est remarquable. La plupart des églises, des mouvements se réclamant de réveil, sont impliqués dans ces fêtes. Et la question est de savoir, donc, est-ce que c'est une évolution dans le bon sens ou c'est une régression qu'il faudrait déplorer? De même que nous croyons que tout ce qui s'appelle Israël n'est pas juif. Tout ce qui s'appelle Israël n'est pas juif. Il y a les plus juifs orthodoxes. Et je vous dis que le monde religieux a manqué le but. Il n'y a pas de monde religieux. Or, quand le monde religieux a manqué le but, il y a une particularité où il y a une minorité dans le monde religieux qui ont eu la révélation de l'heure, la révélation, la parole de Dieu pour notre heure, et qui ont découvert par la grâce de Dieu la révélation du temps dans lequel nous sommes. Comme disait mon frère, si vous prenez ce que nous pensons de la vérité de la Bible pour aller à la télé et que vous le dites, personne ne vous croira. Maintenant, si vous prenez ceux qui racontent pas mal de choses, la vie du stupide, et puis qu'on croit être la vérité, eh bien, ils ont plus accepté parce qu'en réalité, les gens n'aiment pas le renoncement. Les gens n'aiment pas que vous leur dites ne faites pas ceci ou ne faites pas cela. Ils veulent bien aller à l'église. Ils veulent bien pouvoir servir ce qu'ils appellent Dieu, mais après, aller faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on leur demande de se repentir et de changer complètement de vie. Et il faut aller à l'église, puis boire son alcool à la maison le soir, ça ne gêne personne. Alors, peut-être je reformule la question autrement, sans que ne se perdez pas le fil des idées. Un chrétien qui, en 1990, pensait de façon formelle que jamais il faut s'approcher de la fête de l'Ascension. En 2000, il estime que ce n'est pas grave si on célèbre la fête de l'Ascension. En 2018, il lui-même s'investit dans la fête de l'Ascension. Alors la question qui me vient à l'esprit, est-ce que lui, il est en train d'avancer d'un point de vue spirituel? Est-ce qu'il a eu l'éclairage, la révélation, ou alors il régresse? Non, mais je crois qu'au fur et à mesure que le temps avance, la dépravation, n'est-ce pas, s'augmente, et Satan double des efforts, parce que nous sommes dans un monde où il y a un combat entre Dieu et Satan, un combat entre l'Église chrétienne qui est née de nouveau et l'Église chrétienne nominale. Il y a un combat. Maintenant, Satan cherche à vaincre et il marque le point. La civilisation, la télévision, le WhatsApp, le YouTube et tout cela aide. Concours pour que Satan gagne du terrain. Donc, je vais vous dire, moi, je suis de ceux qui ont commencé dans la première église, je veux dire, pentecôtiste au Cameroun. La première église pentecôtiste au Cameroun, c'est l'église de l'Assemblée chrétienne témoin de Christ. Nous avons, qui est née vers 1964. Et quand vous regardez même dans les papiers, c'est, cette église a été autorisée avant l'église catholique. Vous, est-ce que vous comprenez ça? Bon, maintenant, quand j'ai cru en 1973, dans l'Assemblée chrétienne, on ne pouvait même pas voir une femme porter un pantalon. On ne voyait même pas les femmes mettre les boucles d'oreilles, encore moins les rouges à lèvres. Mais je m'en suis rendu compte qu'aujourd'hui, certaines personnes dans ces églises-là... Le pasteur, comme il vous pose la question, est-ce que vous prêcherez contre ces choses-là aujourd'hui? Si. Ok. Dans mon église, on ne met pas les pantalons. Dans mon église, on ne met pas les rouges à lèvres. Mais pourquoi ça doit être seulement dans l'église? Non, je dis dans le, je prêche à l'église. Oui. Donc, les bébés qui croient en moi et qui croient ce que j'enseigne ne portent pas de rouge à lèvres, ne mettent pas de rouge à lèvres, ne portent pas de pantalons pour les femmes, ne mettent pas les bijoux. Alors donc, il y a eu. Voilà donc, il y a celui qui parle. Il y a eu régression. Il y a eu régression, très bien. Il y a eu régression par rapport au moment où j'ai cru à l'église pentecôtiste et aujourd'hui. C'est-à-dire que, et même la majorité des églises pentecôtistes qui sont venus aujourd'hui prêchent plutôt pour de l'argent. Très bien. Alors, oui, la même question à vous. Est-ce que quelqu'un qui au départ d'église, une frange d'église qui au départ était contre, oui. puis elle a évolué en estimant qu'il n'y a pas de problème, oui. si elle y va ou elle n'y va pas, il n'y a pas de problème, aujourd'hui elle y est, puis à fond, oui. est-ce qu'il y a eu une régression ou il y a une évolution? En tout cas, quand la parole de Dieu confirme quelque chose, déjà, avant de répondre à votre question, puis je vais développer un instant parce qu'on n'a plus de temps là. La chose, c'est cette personne a régressé. Parce qu'en réalité, la Bible déclare qu'on retient fermement la profession de la foi que nous prêchons, autrement nous aurons cru en vain. Donc, en clair, nous voyons effectivement que l'esprit de compromission entre en commençant par des petites choses. Lorsqu'on tolère, et comme on a dit dans l'histoire de l'église, nous voyons les méthodistes qui ont commencé comme ça. Les méthodistes ont chuté justement à cause de ces choses lorsqu'on commence à tolérer que certaines choses arrivent là au milieu. À un moment donné, ils ne peuvent plus maîtriser. Les baptistes ont commencé. On a vu effectivement la fédération des protestants de France, comment ils ont commencé avec l'homosexualité. Le simple fait qu'on mette cela en débat, en mettant certaines parties de l'écriture en débat, pose déjà problème. C'est quelque chose qu'il faut arrêter. C'est pour ça que les gens doivent marteler. Mais comme il n'y a pas de temps, j'aimerais bien conclure ici sur mes paroles en disant ceci. Vous regardez la progression et la mutation au fil du temps que l'Église catholique a eu. Lorsque Néron était au pouvoir, et c'est l'une des figures de matraquage contre les chrétiens, il utilisait les lions, dans le cirque pour pouvoir se distraire. Maintenant, l'Église catholique a muté en changeant, en comprenant effectivement qu'il faut battre les chrétiens dans leur propre écriture, exactement comme ils avaient fait avec Daniel, que nous ne trouvons rien à leur reprocher, sinon dans la parole. Donc, au lieu de se distraire maintenant en tuant les chrétiens avec les lions, avec la persécution, parce que c'est obsolète maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent les chrétiens en leur donnant des traditions d'hommes. C'est ce que l'Église catholique fait. L'Église catholique est abominable. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'ascension? Il y en a qui sont embarrassés. Est-ce qu'il faut y aller ou il ne faudrait pas y aller? Ah, enfin, de toute façon, d'après ce qu'on s'en est développé ici, tout ce qui sort de l'Église catholique doit être mis de côté. Depuis les doctrines jusqu'à les documents, il faut les brûler. Oh. Voilà. Donc, nous, oui. Nous allons malheureusement vers la fin du temps. Vous êtes plus nuancé que l'évangéliste. Non. Je ne crois pas qu'on doit faire des fêtes. Ça, je ne suis pas. Bon, maintenant, je ne veux pas aller condamner les gens par rapport à cela. Je veux dire que si quelqu'un pense qu'il doit réunir son église un certain jour, parce que ce jour-là est un jour férié. Parce que c'est une fête, je dis bien, c'est un jour férié. Alors moi, j'organise les séries de réunions quand il y a un long week-end créé par des fêtes. Moi, je fais mes réunions et je vous ai dit que je fais tous les jours. Très bien. Voilà. Alors le mot de la fin pour la dernière minute qui nous reste, héros de la foi, l'église et des fêtes, et c'est un indicateur. C'est un indicateur, tout simplement, le simple fait, parce que vous avez signifié que depuis 1990, on ne voyait pas ces choses, et on trouve cela en plein milieu pentecôtiste aujourd'hui. Nous voyons effectivement qu'en réalité, c'est le retour à la case départ, comme l'Église catholique a lancé la sonde de l'alarme en disant que c'est fini de retourner à la maison. Nous voyons donc ces réunions lancées passer dans le Conseil mondial des églises. Tout ceci montre clairement que toutes ces compromissions vont pousser dans les églises filles à retourner à l'intérieur et applaudir, à acclamer la main et communier avec elles. Nous voyons effectivement, ce n'est pas seulement ce cas-là, nous voyons les franges, c'est une frange de pentecôtistes, commencer à aborder même l'attroupement, les soutiens avec même les crucifixes, avec des blagues catholiques en disant qu'il n'y a pas de mal à cela. C'est cette phrase, il n'y a pas de mal à cela, qui fait l'état qu'on peut entrer dans la compromission et finalement se noyer. Et j'ai dit ce qui est dit ici dans Proverbe chapitre 19, verset 16, que celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Très bien, merci. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment pour Kanté d'être passé. Merci Eli Bertrand Tchabda. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir fait le parcours avec nous. Héros de la foi, l'émission qui interroge la marche, l'évolution de l'Église et qui met en lumière la vie de ces hommes et femmes et même de ces événements qui ont fait et font encore les temps forts de l'histoire de l'Église. Nous revenons la semaine prochaine à la même heure et bien sûr sur la même fréquence. À très bientôt. Shalom.